Passez un très bel après-midi, vous écoutez La Première et voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Faut-il avoir une horlogerie de très grande valeur qui permet l'expression de nos artistes, qui permet de maintenir un savoir-faire et un salaire élevé à ceux qui les produisent, ou alors d'opter pour une fabrication en plus grand nombre, de montres plus courantes, plus modestes, qui vont cibler une clientèle qui pourra les acheter. Cette semaine, tic-tac, tic-tac. Le fait main, pur et dur, ça n'existe pas. La main de l'horloger ou de l'horlogère est toujours outillée, à minima, par des outils de main. La gouvernance de l'horlogerie est pilotée au début par des succursales locales, du Jura bernois, du Jura neuchâtelois. Et puis à la fin, l'industrie horlogère suisse se trouve intégralement contrôlée par les directions centrales des trois grandes banques suisses, que sont la Société de Banque Suisse, l'Union de Banque Suisse et le Crédit Suisse. Crise, réforme et résurrection. Il faut bien penser aujourd'hui que l'horlogerie suisse répond à une demande qui n'est pas une demande existante en Suisse. Il faut savoir que 95-95% des montres produites en Suisse sont dévolues à l'exportation. Et les 5% restants, 3% incluent les touristes. Genève est une marque, entre guillemets, qui va être connue, bien sûr sur le marché européen, mais bien plus loin, en Asie, à Constantinople, on achète des montres qui viennent de Genève. Quelques histoires de mécanismes. Tic-tac, tic-tac, ou l'industrie horlogère suisse, aujourd'hui, entretien avec Hans-Jürg Zumstein, réalisateur du prochain documentaire d'Histoire vivante, Marche ou crève, le sauvetage de l'horlogerie suisse, à découvrir dimanche soir sur RTS 2. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Mon nom c'est Hans-Jürg Zumstein, je travaille pour la télévision suisse alémanique, d'abord émission qui a pour intenteur, ensuite un magasin qui est mis au point, et donc je travaille maintenant pour le service documentaire, je fais des films documentaires, et un était le film sur la crise horlogère en Suisse. Vous avez fait, j'ai vu ça dans votre CV, des études d'histoire, ça tombe bien, on est dans une émission d'histoire. Est-ce que c'est une matière qui vous a suffisamment longuement intéressé? Qu'est-ce que, en choisissant histoire, vous aviez en tête? Est-ce que c'était de partir vers le documentaire, le journalisme, ou peut-être de faire carrière dans l'histoire, chercheur, professeur, que sais-je? Non, professeur, chercheur, non. J'ai jamais voulu faire un rôle académique. J'ai commencé les études d'histoire par passion. D'abord, j'ai commencé un peu le juridisme, mais après un semestre, je me suis dit non, c'est beaucoup trop technique, ça me plaît pas. Donc, j'ai tout de suite changé sur une future un peu incertain, mais j'avais déjà dans ma tête que je voudrais être journaliste. Et je devrais dire aussi que j'ai financé mes études par le journalisme, donc une partie de mes études était consacrée au journalisme et j'ai soit étudié dans les archives, soit écrit sur les résultats de mes archives dans les journaux. Par exemple, j'ai fait un article historique sur une usine qui fabriquait des armes pour les Allemands à Soleure. Et cette usine appartient aux Allemands par une sorte de société un peu divulguée, personne ne le savait. Donc, un peu fantôme. Voilà, sur ça, j'ai publié par exemple des articles. Donc vraiment, l'histoire m'a toujours fasciné. Et bien sûr, j'ai fait plusieurs documentaires dans ce domaine. La crise horlogère est une. Je suis en train de travailler maintenant sur un documentaire qui se consacre à le temps de la Suisse après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait un sur le Gotthard. Donc, vraiment, c'est un sujet qui me fascine. Est-ce que l'histoire, selon vous, et la difficulté, vu que vous avez quand même fréquenté de la méthodologie en faisant des études d'histoire, est-ce que l'histoire, selon le journalisme, obéi à la méthodologie de l'historien. L'historien, il a le temps, le journaliste, en général pas, surtout pas s'il écrit au jour le jour, un peu plus s'il est documentariste où il a forcément plus de temps, mais quand un producteur, avec le chéquier, vient, il dit toujours « dépêche-toi », le temps est plus ou moins incompressible, en tout cas dans le domaine des médias, et très éloigné du temps de la recherche. Oui, effectivement, c'est une différence, mais je pense aussi... Alors, moi, je n'ai jamais fait de la carrière académique, mais je pense aussi, si vous êtes historien, vous avez quand même un temps limité pour certains archives, parce que finalement, vous avez le but de publier un ouvrage, de publier les résultats de vos recherches. Donc, vous avez plus de temps, c'est clair, mais vous avez aussi une limite de temps. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est, vous avez dit, la méthodologie. Donc, les historiens utilisent un peu la même technique des fois. Alors, ce que je trouve intéressant pour certains historiens, le font, c'est par exemple aussi de rencontrer des gens qui ont encore vécu certaines... les témoins. Donc, ça, c'est aussi ce que nous faisons. Nous, journalistes, nous faisons récemment. Et ça, c'est un peu peut-être la parallélité entre les deux métiers. Puisque vous avez choisi l'image, Anzug zum Stein, est-ce que, et sachant que vous avez travaillé dans le domaine de l'écrit, pourquoi choisir ce média-là particulier, l'image, avec les contraintes financières qu'il véhicule avec lui? Quand on a un stylo, ça coûte pas très cher. La caméra, les équipes et tout ça, c'est toujours des charges. En même temps, c'est d'autres techniques. Je pense à une, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est du flashback. Est-ce que le fait de pouvoir effectivement pratiquer d'autres techniques avec la caméra que le stylo empêche un peu, encore qu'avec le stylo, on peut être le jour, la nuit, devant, derrière, etc. On est dans une liberté absolue, mais pourquoi avoir choisi un autre média que le crayon et vous encombrer de la caméra et de l'équipe? Oui, vous avez raison, oui, le stylo c'est beaucoup plus facile, là, vraiment, on peut écrire, travailler quand on veut, on a beaucoup plus de liberté dans ce contexte, mais une chose vous manque. Les images. Et si vous allez dans les archives, maintenant je suis en train de, je parle maintenant de mon travail que je suis en train de faire pour ce documentaire sur la Suisse après-guerre. Vous avez des images, des films qui vous montrent un peu, bien sûr, c'est sont des images un peu, mais ça vous montre construite. Voilà, ça vous montre les costumes, les voitures, les appartements, comment les femmes sont été dans la cuisine. Ça, vous pouvez décrire, mais si vous avez une image claire, tout le monde le comprend tout de suite. Et ça, c'est le fascinant d'une image. Et quand j'ai constaté que c'est un atout, c'est un plus de travailler avec les images, j'étais fasciné. Et j'avais... Durant ma carrière, plusieurs chances d'aller de nouveau dans le print, dans le journalisme écrit, mais j'ai toujours refusé parce que j'étais tellement fasciné par les images. Dans le domaine de l'archive, je ne sais pas si vous vous êtes fait parfois cette réflexion, mais on peut regarder un film de fiction dont une scène, un homme, une femme traverse un grand boulevard, il ne peut pas passer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de voitures, et le temps de voir toutes ces voitures... Et derrière, les piétons qui piétinent sur l'avenue et le boulevard, et on a des renseignements, des indications en termes d'habits, en termes de volume des personnes. On s'aperçoit que si on regarde un film des années 60, la matraque de la malbouffe est peu visible. Il y a évidemment, il y aura toujours des gens un peu plus gros que les autres, mais il n'y a pas l'obésité qui est devenue désormais un peu... non pas reine, mais enfin présente dans les images d'aujourd'hui. Est-ce que vous regardez aujourd'hui, depuis que vous travaillez l'archive, les films de fiction d'une autre manière, avec ce regard un peu sociologique, de voir comment c'était avant, qu'est-ce que c'était que l'atmosphère avant? Oui, certainement, oui. Donc, dès on commence à développer, disons, un œil un peu analyste, c'est clair. C'est, d'autres c'est, antennes. Voilà, ouais. Voilà. C'est ça qui est des fois un avantage, des fois aussi un désavantage. Mais en fait, oui, parce qu'on ne peut pas librement voir peut-être un film fiction, c'est toujours un peu l'œil professionnel qui, waouh, comment ils ont fait ça, pourquoi, voilà, maintenant un montage, etc., etc. Vous n'arrivez plus à vous laisser porter comme un spectateur qui aurait payé son billet et dégusté sa glace tranquillement ou son popcorn. Oui. Mais voilà. En fait, c'est seulement au début d'un bon film. C'est seulement au début d'un bon film. À la fin d'un bon film, on est spectateur, nous aussi. Alors, même l'œil analyste, ça se perd après un certain temps si on regarde un film qui est vraiment très, très bien fait. Non seulement vous avez le goût de l'histoire, vous avez le goût de l'archive, mais il semble également que vous ayez le goût d'autopsie des crises. Si j'ai regardé un petit peu, sans avoir vu, je vous l'avoue, l'intégralité de votre filmographie, parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui n'ont pas été traduits, la question des crises, vous vous en êtes occupé à plusieurs reprises, qu'elles soient politiques, qu'elles soient industrielles. Je pense notamment au travail que vous avez forcément fait autour du crash de Swissair. Bref, la notion des crises, pouvoir raconter et narrer les ingrédients d'une crise, ça vous intéresse. Ce qui est vraiment tout à fait normal, parce que c'est un endroit dramatique. Encore que, là vous traitez d'une crise qui est passée. Première question, auriez-vous aimer être là pour filmer la crise quand elle a eu lieu? Alors, la crise horlogère. Oui. La crise horlogère, oui, pardon, j'ai oublié de vous le préciser. Oui. J'étais dans un autre monde à cette époque-là. J'étais assez jeune. Et je pense, j'ai constaté certains éléments de cette crise, mais j'ai réalisé que dans ma profession comme journaliste, que cette crise était tellement grave. Oui, bien sûr. À la rétrospective, je me suis dit « Ah, pourquoi j'ai pas fait attention à ça, et ça, et ça ?» À ce moment-là, ça aurait été intéressant, mais j'étais trop jeune à ce moment-là. Alors, comment la raconter, cette crise? Et au passage, puisque vous vous y êtes intéressé, racontez-nous un peu la genèse du projet. Racontez-nous l'origine de ce film, comment ça vous vient, est-ce que c'est une commande qu'on vous passe, est-ce que c'est vous qui êtes un beau matin dans votre baignoire frappé d'une révélation soudaine en disant « mais comment cela, on n'a pas encore fait un documentaire sur, c'est à moi de m'y coller », comment ça s'est passé? Voilà. Il y a quelques années, j'ai lu le bouquin de Bruno Bollhalter sur cette crise horlogère. Donc, il a vraiment tressé un tableau sur toute l'industrie horlogère suisse du début jusqu'à aujourd'hui. Lui, d'abord, il a travaillé pour une banque. Ensuite, il a fait, après sa retraite, il est un type passionnant. Il a commencé à étudier, après sa retraite, l'histoire et la philosophie. Mais il a fait sa dissertation sur la crise horlogère suisse. Donc, sur ça, un bouquin extrêmement grand. Et sur ça, ensuite, il a fait un livre assez court, 300 pages sur l'histoire de l'horlogère suisse. J'ai lu ce bouquin et je me suis dit, waouh, ce serait un documentaire. Ensuite, j'ai terminé plusieurs documentaires et mon département m'a demandé de proposer quelques autres documentaires et un de ces documentaires que j'ai proposé, c'était la crise horlogère suisse. Et ils ont dit, voilà, ça, on aime. Voici. Les montres à quartz. Un coup dur de plus. À cette époque, le Japon est en train de commercialiser la montre électronique. Une révolution qui met la Suisse encore un peu plus à la traîne. Il ne faut pas oublier que jusqu'en, je dirais, 1975-77, la précision était un gage de qualité. Plus la montre était précise, plus son prix était élevé. Mais voilà que tout d'un coup, une entreprise japonaise, Seiko, propose une montre meilleur marché de 70% qui est plus précise. Évidemment, ce n'est pas une montre mécanique, c'est une montre à quartz. Mais les gens ont été impressionnés par sa précision. D'une certaine façon, les Japonais ont réussi à s'approprier notre concept qui reposait sur la précision. Ils sont arrivés avec des produits bon marché, de meilleure qualité en termes de précision que les montres plus chères. C'est ce petit bâtonnet de quartz qui donne le « la ». Il oscille plus de 32 000 fois par seconde lorsqu'il est alimenté par une pile minuscule. Voici donc cette nouveauté révolutionnaire. Voici à quoi ressemblent des circuits intégrés vus au microscope électronique. Ils utilisent les oscillations du bâtonnet de quartz pour les transformer en secondes, en minutes, en heures et en jours. Bien que l'industrie horlogère suisse fabrique sa première montre à quartz en série, la Beta 21, sa mise sur le marché laisse à désirer. Donc on sait développer des montres à quartz, aussi bien, voire mieux que les Japonais. Ce que les Japonais savent faire, c'est la produire à bon marché, la lancer sur le marché, en faire quelque chose qu'on puisse commercialiser. Les fabriques suisses n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Leurs entrepôts se remplissent de montres invendues. L'émission alémanique Kassensturz s'en fait l'écho. Un chauffeur de taxi nous dit que c'est sur les Champs-Élysées qu'on trouve les meilleures montres. Sur place, pas un seul magasin Omega. Par contre, un grand centre Seiko. Ici, pas d'invendus. Et en vitrine, exclusivement des modèles récents. Les montres suisses peinent à se vendre malgré des rabais conséquents. Le Swiss Made n'a plus la cote. Écoutez, on dit que l'être humain commence de réfléchir uniquement dans la nécessité, alors, c'est-à-dire une insécurité totale dans l'horlogerie. Vous êtes obligé de réagir et dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors peut-être le climat commence par ça. Alors évidemment, après, il y a 10 000 histoires. Quel est le patron qui voulait qu'on développe une montre qui coûte rien du tout, de qualité suisse et tout? Peu importe, ça c'est pas très important. C'est qu'une toute petite équipe s'est mise au travail et a commencé de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à un but, un rêve, une montre suisse de grande production qui coûte rien. Un extrait de Marche ou crève, le sauvetage de l'horlogerie suisse, un documentaire de Hans-Jürg Zumstein à découvrir dimanche soir sur RTS 2. L'industrie horlogère suisse, suite de l'entretien avec Hans-Jürg Zumstein, réalisateur du prochain documentaire d'histoire vivante, Marche ou crève, le sauvetage de l'horlogerie suisse, à découvrir dimanche soir sur RTS 2. Comment vous avez présenté ça? J'ai fait des 5 papiers sur, je pense, 5 sujets que je pense, tous des sujets historiens, historiques. Je veux dire par là que quand il s'agit de convaincre ceux qui vont accepter et vous donner l'aval pour la permission, autrement dit, pour pouvoir tourner, il faut arriver à les convaincre. Les gens sont envahis de sujets, des fois ils ne s'intéressent pas à quelque chose qui vous paraît vous-même passionnant. Vous aviez cette chose-là dans les mallettes depuis un certain temps. Mais c'est pas très évident de vendre l'horlogerie, si j'ose dire, en termes de documentaire. Est-ce que ça s'est fait extrêmement simplement? Vous avez eu très peu de choses à dire ou bien il a fallu un peu argumenter? Et si oui, dans quel sens? J'ai dû argumenter un tout petit peu, mais je pense que ce qui a convaincu mes chefs, c'est que c'était une crise avec un happy end à la fin. oui, il n'y a pas de mort. Oui, voilà. Donc c'était une des plus grandes crises économiques que la Suisse a connue. Et finalement, cette industrie a été sauvée et ça a convaincu mes chefs de dire oui. Donc on s'est pratiquement rien, mais c'est une rupture énorme et on sait rien. Vas-y, essaye de nous raconter cette histoire. En 1977, l'industrie horlogère suisse est au bord du gouffre. On ne sait jamais si on sera licencié ou non. Passé un certain âge, cette incertitude vous pousse à bout. J'aime bien travailler ici. Tous les employés à l'époque, on vivait dans un monde complètement fragile et on avait tous évidemment beaucoup de soucis. Dès que vous avez eu le feu vert, vous aviez cet ouvrage de 300 et quelques pages. Est-ce que vous vous êtes dit, je pars de l'ouvrage, mais forcément j'en extrais, parce que si vous deviez faire une adaptation page après page d'un bouquin de 300 pages, votre film serait absolument interminable. Donc il vous a fallu sélectionner, je l'imagine, en fonction des personnes que vous pouviez déjà avoir en face de votre caméra, mais pas tous. Il faudra quand même préciser qu'il y a un grand absent, mais voilà. Forcément. Voilà, comment vous avez procédé? Oui, donc il y a des autres ouvrages qui ont été publiés sur l'histoire de l'horlogerie suisse. J'ai essayé d'abord de me plonger dans la littérature. Il y a par exemple un ouvrage d'une femme, Bettina Hahnloss. Elle a une relation familiale avec un patron qui était très fort à l'époque, donc elle a écrit sa biographie. Il y a des autres ouvrages qui ont été publiés, donc j'ai consulté la littérature. Ensuite, je suis aussi allé dans les archives et peu à peu, j'ai essayé de tresser un tableau avec les interlocuteurs que je pourrais contacter, qui seront prêts aussi à témoigner devant la caméra. Et une chose qui était très importante, c'est les archives de RTS, les archives de la télévision suisse alémanique, qui ont quand même publié beaucoup de choses, dont même de la crise, bon. Sur la crise. Donc j'ai trouvé des témoignages fascinants aussi. Donnez-nous un exemple. Par exemple, dans le film, il y a un ouvrier près de Chaudfond qui est dans une usine plus ou moins vide, qui dit avec son français accent, il n'est pas suisse allemand comme moi, mais il a un certain accent, il explique comment tout le monde ne sait plus quoi faire, que tout le monde craint qu'il soit licenciement et qu'ils doivent peut-être quitter le Valais, changer la vie complètement. Donc c'était vraiment, pour beaucoup de gens, c'était une crise qui touchait leur vie sociale directement. Bien, pour le moment, nous sommes vraiment dans le trou noir, comme on peut dire. Chacun se pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux aller? Est-ce que je dois partir de la région? Comme nous sommes presque tous nés dans nos vallées ou dans nos montagnes, nous aimerions bien rester dans notre région. Il y a beaucoup d'autres archives que je n'ai pas pu utiliser parce que j'ai eu que 50 minutes, mais il y a des personnes qui pleuraient devant la caméra, il y avait des personnes qui sont allées chercher du travail dans une autre ville. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très touchantes et qui illustrent la profondité de cette crise. Et ça, c'était important pour mon travail, de me baser sur les archives, sur les images. Et je viens maintenant encore une fois avec les images qui sont tellement importantes, qui montrent aussi l'impact de cette crise. Et c'est pour ça j'étais convaincu que c'est le bon chemin. Ce que je te dois ajouter encore, donc comme c'est un film qui va être diffusé en Suisse romande et en Suisse alémanique, donc j'ai un peu dû mélanger les archives. Donc une partie bien sûr alémanique, une partie suisse romande. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu utiliser toutes ces perles dans les archives. Hans-Jürg Zumstein, quelque chose m'a frappé dans votre documentaire, c'est le fait que finalement, pour violente qu'elle soit, cette crise, elle semble, est-ce la nature du pays, fort peu politisée. L'arrière-plan politique, dans votre documentaire en tout cas, n'est pas très présent. Est-ce moi qui ai mal vu n'y avait-il finalement pas de matière d'archives permettant justement de politiser le sujet, ou la politique n'a rien à voir là-dedans et c'est strictement, si j'ose dire, un accident industriel lié à une conjoncture bien particulière. En gros, et pour le faire très rapidement, les Japonais montent au créneau de manière absolument envahissante dans un moment où le monde est particulièrement ouvert, où c'est la mondialisation, la Suisse fait prendre de vitesse, prendre de cours, et puis il va falloir qu'elle réfléchisse à une contre-attaque, à une stratégie. Mais il y a quand même des gens qui se retrouvent sur le carreau, qui sont licenciés. Il y a une question de réflexe capitaliste, si je devais employer des mots grossiers. Est-ce que ça a été un moment, pour ce que vous pouvez en savoir, et pour la Suisse, à l'époque politique, politisée ? Oui, alors, il faut souligner que le début de cette crise, c'était la politique. Et ça, c'est peut-être expliqué assez brièvement. C'est le fameux Urnstatut. Donc, dans les années 30, la politique a intervenu fortement dans l'industrie horlogère suisse. Tout était protégé. C'était un peu comme Trump le fait maintenant dans les États-Unis. C'était la protection totale de l'industrie. Le moindre ressort était protégé. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu perdus de la vitesse comparé avec les Japonais. Et ça, c'était une des raisons pour l'impact de cette crise. Donc, ce que vous avez mentionné maintenant, quand la crise a éclaté, la politique, oui, il y a deux ou trois... Alors, vous pouvez voir des manifestations assez violentes sur Pullova. Donc, les images, je n'ai pas commenté ça, j'ai laissé ça ouvert. Vous avez une manifestation, je pense, c'est à Granges, avec un leader de l'Union syndicale. Nous tous ici, nous ne sommes plus bons qu'à être jetés à la poubelle. Voilà ce que ces messieurs veulent. Et en plus, ils attendent de nous qu'on ferme notre gueule. Au moment de la crise, la politique s'est abstenue d'intervenir. Donc, le Conseil fédéral a plus rien fait. Il a dit, on donne pas de l'argent, on laisse le sauvetage, ou bien le contraire, la disparition de l'industrie horlogère suisse, ça on laisse à l'industrie. On veut plus intervenir. Peut-être là, j'aurais pu expliquer ça plus profondément. Donc, ce monsieur Jean-Pierre Bonny, donc ce monsieur du SECO, lui, il était, disons, la personne qui personnifiait la politique du Conseil fédéral, lui a dit « on ne va plus rien investir, le contraire, on doit se retirer parce que l'État a fait une faute en faisant cette protection précédemment. Et si on continue, c'est juste un prolongement des fautes, c'est plutôt l'industrie qui doit sauver cette industrie. » Ça, c'était la politique à l'époque. Et il faut dire, à la fin, ils ont eu raison, parce que c'était risqué, c'était un jeu risqué, mais heureusement, ça a réussi. Vous avez rendez-vous dimanche soir sur RTS2 pour découvrir le documentaire. Alors, comment s'intitule-t-il en français ? Manche ou crève. Marche. Marche ou crève. Vogel frisst oder stirbt en allemand. Merci de votre visite au micro d'Histoire vivante. Merci à vous.